Chapitre 5, Paris, 5 décembre 1843. Mes rapports se succèdent, monsieur, et je ne reçois toujours pas de nouveaux ordres. On m'assure que l'encombrement de divers services entrave pour un moment celui dont je fais partie. Je compte au moins que je ne serai pas tancé plus tard pour avoir omis de déclarer combien l'urgence de mon travail me paraît décidément contestable. Si mince que soit mon mérite, je me crois digne d'une tâche supérieure à celle d'observer une sorte de fesse-Mathieu qui ravote ses chaussettes et fera quelque jour la lessive. Sentinelle perdue, pour ainsi dire esclave de mon devoir, je n'en resterai pas moins à mon poste jusqu'à l'heure où l'on jugera à propos de venir me relever. Vers le milieu de la semaine dernière, le sieur Vanier a reçu la visite de la Louise dont il a été question. C'est ma foi une fille très appétissante qui, avec une peau d'un blanc de muguet, a des joues de rose et des yeux pétillants à perdition de son âme. Elle releva en entrant la voilette noire qui cachait en partie son visage. Dans l'air de surprise des Gésipes, elle déchiffra apparemment un blâme. « Puisque vous ne venez pas nous voir, dit-elle résolument, il faut bien que je vienne chez vous. » Je m'aperçus que le sieur Vanier fermait la porte dont la clé était en dedans, et je fus un peu alarmée. Je suis marié et père de famille, et puis bien dire le modèle des pères, car, encore que mon petit soit estropié et innocent, je l'aime autant que s'il était gentil et malin. J'étais toujours considéré à cause de mes mœurs irréprochables. Hélas, à quoi ne sommes-nous pas exposés? Par bonheur, les choses se sont passées avec plus de décence que je n'espérais. Assis vis-à-vis l'un de l'autre, ils se sont regardés longtemps, comme des chiens de faïence. Sauf ceci, qu'il semblait se dire un tas de choses avec les yeux. « Voulez-vous savoir, a fait tout à coup Vanier, l'idée que vous éveillez en moi avec votre robe noire et votre figure mélancolique ? Voyons, dites. Il me semble voir une gentille veuve venant pleurer au cimetière sur une tombe. Quelle pensée funèbre ! De l'abondance du cœur, la bouche parle. N'avez-vous pas quelque espérance ? On m'eût jadis écrasé sous un pressoir que les espérances eussent ruisselé à remplir des tonnes. Mon ami, la précieuse nourriture et les chauds vêtements pour une femme, que les espérances ? La douce consolation pour un homme d'âme de répondre à sa famille qui crie la faim et le froid. Mes bien-aimés, le sang de ma chair, la moelle de mes os, tenez, rassasiez-vous, voici des espérances. Croyez-moi, Louise, ne prononcez jamais ce mot. C'est un pain qui trompe l'âme sans nourrir le corps. Il n'a été pour moi qu'une excitation perpétuelle à un travail d'écureuil. Si j'avais encore la folie d'en tenir compte et, sous son influence, de m'acharner à la poursuite d'un rêve jadis caressé avec passion, à mes souffrances personnelles, je joindrais celle, torture bien autrement atroce, d'être supplicié dans ma femme et dans mes enfants. « Est-ce donc moi qui vous inspire cela ? » dit Louise d'une voix attendrie. « Et l'étendue de mon désespoir te donne la mesure de ma tendresse. À mon ambition de vivre pour ma mère avait succédé celle de vivre pour toi, en toi. J'oublierai tous mes mauvais jours si Dieu m'a accordé le bonheur suprême de t'appeler ma femme et de descendre à tes côtés la vie, quand même si pénible. « Pourquoi pas ? » dit Louise, les larmes aux yeux. « Dans mon impuissance à te créer un milieu convenable, que signifie le mot « aimer » entre nous ? Où il fait froid et faim, l'amour est une misère de plus, et un ridicule par-dessus le marché. Un Werther en haillons soulèverait le cœur. L'amour est une des mille manifestations de l'âme, la première condition, la condition essentielle pour que cette âme existe et se manifeste sous toutes ses formes. Il faut que le corps vive. Un homme misérable n'est qu'une portion d'homme. Dans un corps affamé et mal vêtu, l'âme devient une superfluité gênante. Il faut attendre, subordonner inflexiblement nos sentiments à la nécessité, sous peine de les voir tourner à l'aigreur, peut-être à la haine, et peut-être encore, pensée horrible, à l'indifférence. Puis la misère isolée peut encore être digne. Au sein de la famille, elle est ignoble, elle pousse à toutes les indignités, à toutes les bassesses, elle avilit, dégrade l'homme sous une avalanche de pitié stérile. « Venez au moins nous voir de temps en temps, » dit la jeune fille. « Je vous jure que je ne me lasserai jamais d'attendre. »« Cher enfant, » a répondu Vanier, « d'ici à quelques jours, j'aurai mis un terme à toutes tes incertitudes. D'une façon ou d'une autre, mon avenir sera décidé. S'il est vrai, comme d'aucuns le prétendent, que la logique gouverne le monde, que nos actions s'égrènent fatalement et conduisent à un résultat fatal, que nous ne puissions rien sur les événements, pas plus que nous pouvons empêcher un fleuve de couler, au moins sommes-nous maîtres d'une chose, d'être des hommes ou des guenilles, de nous ennoblir ou de nous avilir, de nous développer en Dieu ou de descendre vers les animaux. Je serai digne quand même, aucune puissance humaine ne sera capable de faire que je m'avilisse, la fin même je la dompterai. Encore un peu de patience. » Louise profita d'un moment où Vanier détournait la tête pour glisser sur la table, parmi les livres, un porte-monnaie qu'elle tenait caché dans sa main. « Il ne faut plus revenir, » reprit aussitôt Hégésippe. « J'ai besoin de tout mon courage. Les larmes énervent. Je vous écrirai. » La jeune fille ne fut pas plus tôt sortie que Vanier découvrit le porte-monnaie. D'un bond, il alla entr'ouvrir la porte et, d'un accent fébrile, rappela Louise qui descendait l'escalier. Celle-ci remonta toute tremblante. Et Hégésippe, s'enfermant de nouveau avec elle, l'obligea de s'asseoir et s'agenouilla à ses pieds. « Vous eussiez dit un saint transporté au septième ciel. »« Oh, mon ami !» dit tendrement Vanier. « Quoi qu'on en puisse dire, nous nous aimons bien autant que s'aimaient Roméo et Juliette. Notre amour ne participe d'aucune vanité. » C'est une sympathie à un degré d'intensité extrême. Je le comparerais volontiers à l'adhérence irrésistible de deux aimants. Tout est si bien commun entre nous, pensée, rêve, âme, que je ne saurais concevoir une chose à toi qui ne soit pas à moi aussi. Mais, cher bien-aimé, je tiens pour absurdes les sacrifices inutiles. » Il fit voir le porte-monnaie et ajouta, « Si cet argent m'était nécessaire, je le garderai comme mon bien. Il ne peut me servir. Autant vaudrait l'enfouir dans un puits. Reprends-le. » Louise, toute rouge, disait, « Je n'ai que faire de cela, et vous pouvez en tirer parti. » Devant un refus plus ferme de Vanier, elle continua d'une voix étreinte par l'émotion, « Hégésippe, accepte cela, pour l'amour de moi. » Vanier tint bon. La jeune fille se fâcha. « Vous ne m'empêcherez pas de voir là, » dit-elle, avec une vivacité qui la faisait ravissante, « une défiance blessante pour moi, et de votre part, un orgueil déplacé. » Et Hégésippe la saisit par le milieu du corps. « Si j'ai encore quelque orgueil, » lui dit-il avec passion, en imprimant un long baiser sur ses lèvres, « c'est d'être aimée de toi. » Louise s'échappa, toute bouleversée des bras d'Hégésippe. Peu après, elle s'en alla. Alors, le front dans ses mains, la tête renversée en arrière, Vanier s'écria. « Mon Dieu, pitié pour cet enfant, mon Dieu, je vous en conjure. Donnez-moi mon pain de chaque jour, amoncelez les chagrins en mon âme, que des douleurs d'une violence inconnue la déchirent, mais, oh mon Dieu, faites que je vive !»